الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. La semaine dernière, on avait expliqué le hadith 171, qui est le hadith d'Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini, radiyallahu anh, qui se propose pour nous le réciter. من حفظه؟ تفضل أخ. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزيني. المزيني. رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في حنين، قسم في الناس ولم يعط الأنصار شيئا. وفي القسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا. ولم يعط الأنصار شيئا. فكأنهم وجدوا في قلوبهم في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. نعم. فخطابهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهدكم الله بي وعالة؟ ألم أجدكم كنتم متفارقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا: الله ورسوله آمن. قال: لو شئتم لقلتم ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: الله ورسوله آمن. نعم. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ألا ترضوا أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس ديثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أحسنت، بارك الله فيك. رواه البخاري ومسلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: باب صدقة الفطر. نسبت إلى الفطر من باب نسبة المسبب إلى سببه، وقد أجمع العلماء على وجوبها، وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة، منها أنها طهرة للصائم وشكرا لله تعالى على أن من عليه بتكميل صيام شهر رمضان، وشكرا له أيضا على أن متعه بدوران الحول عليه، ونعمه تتوالى عليه التي أعظمها نعمة الإسلام والإيمان، ومنها أنها مساواة بين الفقراء والأغنياء، إذا أعطوهم شيئا من أموالهم اغتنوا في ذلك اليوم عن الاشتغال بطلب قوتهم، وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل الناس فيه التظاهر بالغنى، ويشاركونهم في الأفراح المباحة، والله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير. Chapitre de Sadaqat al-Fitr. Cette zakat al-Fitr, Sadaqat al-Fitr, a été attribuée au Fitr pour montrer la cause de cette sadaqa. Et les savants sont unanimes sur son obligation. Allah Azza wa Jal l'a légiféré pour de nombreuses sagesses, pour des sagesses nobles et de nombreux bénéfices. Parmi les bénéfices de cette zakat al-fitr, c'est que c'est une purification pour le jeûneur. Le jeûneur est reconnaissant également envers son Seigneur à travers celle-ci de lui avoir donné le privilège d'avoir conclu le jeûne du mois du Ramadan. C'est une reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal de l'avoir comblé de bienfaits pendant une année entière. Car pendant ce temps, les bienfaits d'Allah se sont succédés et le plus grand de ces bienfaits est le bienfait de l'islam et de la foi. Parmi les bénéfices et les avantages de cette zakat, c'est que c'est une entraide entre les pauvres et les riches. Lorsque les riches donnent aux pauvres ce jour-là, lorsque les riches donnent aux pauvres, ces pauvres ne sont pas préoccupés ce jour-là, en parlant de quel jour ? Le jour de l'Aïd, d'aller rechercher de quoi manger. Et ils sont exempts ce jour-là de l'humiliation de demander dans un jour où tous les gens aiment montrer leur richesse. Et c'est un jour également dans lequel ils veulent partager le bonheur et la joie autorisée. Allah est donc doux envers ses serviteurs et c'est le tout sage, le connaisseur de toutes choses. Le connaisseur de toutes choses. Al-Hadith al-Thani wa al-Sab'oun ba'd al-Mi'ah. Le 172e hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير رواه البخاري ومسلم وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحديث الثالث والسبعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. Le 172e hadith, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire l'aumône du fitr, où il a dit Ramadan, l'aumône de Ramadan. Elle est obligatoire pour l'homme et la femme, le libre et l'esclave. Quelle est cette quantité ? Un sa' de dattes ou un sa' d'orge. Puis il a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, les gens ont par la suite donné la moitié d'un sa' de blé pour le petit et le grand. Rawahu al-Bukhari et Muslim. Et dans d'autres termes, et qu'elle soit donnée avant que les gens ne sortent pour la prière, dans la version de l'imam al-Bukhari. Le cheikh cite ensuite le 173e hadith, car le 173e hadith vient expliquer une partie du 172e. Notamment, pourquoi est-ce que les gens ont donné, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la moitié d'un sa' alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner un sa'. Le 173e hadith, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit, nous donnions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kunna nu'tiha, nous la donnions, en parlant de zakat al-fitr, nous la donnions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sa' de nourriture, ou un sa' de date, ou un sa' d'orge, ou un sa' de aqit. Le aqit, on va voir ce que c'est par la suite. Ou un sa' de raisin sec. Et lorsque Muawiyah est venu, et qui est venu à Samra, qui est le froment, il a dit, je vois qu'un moud de celle-ci, en parlant du froment, équivaut à deux mouds d'autres que le froment. Abu Saïd a dit, quant à moi, j'ai continué à donner cette zakat comme je la donnais au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir de donner un sah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Al-Gharib al-Aqit. مثلث الهمزة وهو يعمل من اللبن المخيض يطبخ حتى يتبخر ماؤه ثم يجفف وأحسنه ما كان من لبن الغنم السمراء يريد به الحنطة. Les termes qui expliquent, qui méritent explication. Al-aqit, c'est une chose qui est faite à base de lait de beurre, qui est cuit jusqu'à ce que son eau boue. Ensuite, il est séché. Et une fois séché, il est consommé. Et la meilleure façon de faire al-aqit est de le faire avec le lait de bovin, le lait de ovin, afwan. Le lait d'ovin, le lait de brebis. As-Samra, dans le hadith, lorsque Muawiya est venu et qu'est venu As-Samra en parlant du froment. Al-Ma'na al-Ijmali. أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على جميع المسلمين الذين تفضل الصدقة عن قوتهم في ذلك اليوم. كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم حرهم وعبدهم أن يخرجوا صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلما وردت على المدينة الحنطة السمراء في زمن معاوية وقدم المدينة حاجا قال أرى أن مدا من الحنطة عن مدين من غيرها يغني لجودتها ونفعها فأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فهو يقول كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام والطعام عندهم هو الحنطة وكذلك صاعا من أقط وصاعا من زبيب فلا أزال أخرج الصاع من الحنطة وغيرها كما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيثارا للاتباع وليحصل بالصدقة للأغناء وليحصل بالصدقة الإغناء المطلوب أمر أن تؤدى إلى الفقير قبل خروج الناس إلى الصلاة. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire la zakat, zakat al-fitr, pour l'ensemble des musulmans qui ont plus que cette sadaqa, qui ont plus que le nécessaire dont ils ont besoin pour ce jour. Ainsi, celui qui a plus que ce dont il a besoin le jour de l'Aïd doit donner zakat al-fitr. Pour les petits comme les grands, les garçons comme les filles, les libres comme les esclaves, et qu'ils doivent sortir cette zakat un sa' de dattes ou un sa' d'orge. Et lorsqu'est arrivé à Médine, le froment au temps de Muawiyah qui est arrivé à Médine en revenant du pèlerinage, il a dit, je vois que un moud de froment vaut deux mouds d'autres que le froment. Car le froment était de qualité et était plus bénéfique que les autres. Quant à Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anh, il a dit, nous la donnions, c'est-à-dire la zakat, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sa' de nourriture. Et la nourriture, à leur époque, était le froment. Et également un sa' de aqit. L'aqit, on a vu ce que c'était. Et un sa' de raisin sec. Et il dit, radiallahu anh, qu'il continuera à donner un sa' de froment comme les autres, comme il le faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pour suivre scrupuleusement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et afin que cette sadaqa, que cette zakat atteigne son but, quel est le but de cette zakat? L'un des buts, c'est que le pauvre puisse en bénéficier le jour de l'Eid et qu'il n'ait pas à demander ou à chercher de quoi se nourrir. Afin que ce but soit atteint, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que cette zakat soit donnée aux pauvres avant que les gens ne sortent pour la prière. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan wujubu zakat al-fitr. وجوب زكاة الفطر وهو إجماع المسلمين لقوله فرض. Premièrement, on retient ce hadith l'obligation de zakat al-fitr. Et c'est à l'unanimité des musulmans car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Abdullah ibn Umar a dit farada, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu obligatoire. ثانيا أن تخرج عن كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد. Deuxièmement, que cette zakat doit être donnée pour tout musulman, petit ou grand, homme ou femme, libre ou esclave. ثالثا أنها لا تجب عن الجنين واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه فقد ورد عن الصحابة وقد استحب كثير من العلماء إخراجها عنه فقد ورد عن الصحابة أنه كان يعجبهم إخراجها عن الحمل وكان عثمان يخرجها عن الحمل أيضا. Troisièmement, on retient que cette sadaqa, cette zakat al-fitr n'est pas obligatoire pour le fœtus. Et beaucoup de savants ont considéré qu'il était préférable de la sortir pour l'enfant dans le ventre de sa mère. Il a été rapporté, d'après plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils appréciaient le fait de sortir cette zakat pour le fœtus. Et Uthman la sortait pour le fœtus également. Rabi'an, zahir al-hadith, tahdidu الإخراج من الأشياء المذكورة والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ غير هذه الأشياء مع وجود شيء منها واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراجها من قوت بلده ولو قدر على الأصناف المذكورة وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر العلماء وأفضل هذه الأصناف وغيرها من أنواع الأطعمة أنفعها للمتصدق عليه لأنه الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم. Quatrièmement, ce qui apparaît de ce hadith est le fait de sortir la zakat selon les catégories de nourriture citées dans ce hadith. Et c'est ce qui est connu dans le madhhab de l'imam Ahmed que autres que les catégories citées ne peuvent être sorties si elles sont présentes. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah autorise de donner la zakat, zakat al-fitr, de la donner selon la nourriture principale du pays dans lequel l'on vit. Même si elles ne font pas partie des catégories citées. Et c'est également une version de l'imam Ahmed et c'est la parole de la majorité des savants. Et la meilleure de ces catégories, la meilleure des catégories de nourriture à donner pour Zakat al-Fitr, c'est celle qui sera la plus bénéfique pour le pauvre. Car c'est par cette nourriture qui sera la plus bénéfique pour le pauvre que le but sera atteint, à savoir que ce pauvre ait sa suffisance et qu'il n'ait pas à chercher de quoi se nourrir ce jour-là. ظاهر خامسا ظاهر حديث أبي سعيد أن الواجب صاع سواء أكان من الحنطة أم من غيرها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ من الحنطة نصف صاع وابن القيم يميل في الهدي إلى تقوية أدلته واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هو قياس قول أحمد في الكفارات قلت والمذهب والأحوط المذهب الأول. Cinquièmement, ce qui apparaît du hadith d'Abi Saïd, que l'obligation est de donner un sa', que la nourriture soit du froment ou autre. Et c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et la majorité des savants. L'imam Abu Hanifa est de l'avis que la moitié d'un sa' suffit lorsqu'il s'agit de froment. Et l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Zadul Ma'ad, fi hadi khayri al-ibad, penche vers cet avis. C'est également cet avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Et Cheikh al-Bassam dit l'avis le plus sûr, celui sur lequel il y a le plus de précautions, est le premier, à savoir de donner le sa', un sa' de nourriture, quelle que soit celle-ci. Sadisan, wal-afdalu إخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة فإن أخرجها بعد الصلاة فعند الحنابلة يكره يوم العيد ويحرم بعده عند الحنابلة وعند غيرهم من جماهير الفقهاء وعند ابن حزم تحريم تأخيرها عن الصلاة لما روى البخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولما روى أبو داود وابن ماجه فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات والحق أن أبا محمد أسعدهم بإصابة الدليل والقول به. Sixièmement, le mieux est de sortir cette zakat le jour de la sortir à l'aube du jour de l'Eid avant la prière de l'Eid. Et c'est l'avis des quatre madahib, des quatre imams. S'il la sort après la prière, cela est détestable chez Al-Hanabila. Et cela est interdit après le jour de l'Eid. Et c'est également l'avis de la majorité des savants, qu'il est interdit de la sortir après la prière de l'Eid. Et l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, considère qu'il est interdit de retarder la zakat. وعند ابن حزم تحريم تأخيرها عن الصلاة, qu'il est interdit d'attendre la prière. Les autres savants disent qu'il est interdit de la donner après la prière. L'imam Ibn Hazm dit qu'il est interdit de la retarder jusqu'à la prière. Pourquoi ? Car dans le Sahih de l'imam Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le 172e hadith que l'on a vu, qu'il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les gens ne sortent pour la prière. Et ce qui a été rapporté dans les sunnans de l'imam Abu Daoud et de l'imam Ibn Majah, celui qui la donne avant la prière, alors c'est une zakat acceptée. Et celui qui la donne après la prière, alors c'est une aumône parmi les aumônes. Et Cheikh al-Bassam dit, et la vérité est que Abu Muhammad est celui qui s'est le plus rapproché de la preuve. Qui est Abu Muhammad? C'est la kunya de l'imam Ibn Hazm. La kunya de l'imam Ibn Hazm, c'est Abu Muhammad. Sabi'an. وهل يجوز تقديمها قبل ليلة العيد؟ ذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال، وذهب الشافعي إلى جواز تقديمها من أول رمضان، وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا كالصلاة قبل وقتها، وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين لما روى البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين يريد بذلك الصحابة، ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين ليعدها ليوم العيد، ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب. ولهذه الاعتبارات الصحيحة، فإن شيخنا العلامة عبد الرحمن ابن ناصر آل سعدي رحمه الله يرى استحباب تقديمها بيوم أو يومين. Est-il autorisé d'avancer, de donner la zakat avant le Eid, avant la nuit du Eid? Et quand on dit la nuit du Eid, c'est la nuit qui précède le jour de l'Eid. L'imam Abu Hanifa est de l'avis qu'il est autorisé de l'avancer d'un an ou deux, en faisant l'analogie avec Zakat al-Mal. Zakat al-Mal, est-ce qu'on peut la donner avant? Oui. L'imam Abu Hanifa fait l'analogie entre Zakat al-Mal et Zakat al-Fitr. L'imam al-Shafi'i est de l'avis qu'il est autorisé de l'avancer à partir du début de Ramadan. L'imam Malik est de l'avis qu'il est interdit de la donner avant, comme il est interdit de faire la prière avant son heure. Et al-Hanabila sont de l'avis qu'il est autorisé de la donner avant le Eid d'un ou deux jours. D'après ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, qu'il l'a donné avant le Eid d'un jour ou deux. Il l'a donné, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et parce que l'on ne peut, le pauvre ne peut trouver sa suffisance ce jour-là que lorsque cette zakat lui est donnée avant le Eid d'un ou deux jours, afin qu'il puisse la préparer pour ce jour-là. Et aussi, de peur que si cette zakat est donnée juste avant la prière, l'on peut craindre que la personne qui la reçoit n'ait pas le temps d'en profiter et d'en bénéficier. Pour toutes ces raisons authentiques, notre cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir Al-Sa'di, rahimahullah, voyait qu'il était préférable de donner zakat al-fitr avant le Eid d'un ou deux jours. Ainsi se termine Kitab al-Zakat, walillahi al-hamd, et inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on entamera le chapitre du jeûne. Wa barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabina Muhammad.